Welcome to Rapid City. Local time is 5:46. Please remain seated with your seatbelts fastened and your carry-on items stowed until this aircraft has come to a complete stop at the gate. In the shadow night. Turn on that fastened seatbelt sign. Sometimes, in the shadow night, I become spirit. We want to say welcome again to Rapid City. Wonderful evening here, or wherever your travels may take you. Good night. Walls, bars, the gratings dissolve into light. Hi folks, Follow the Guide, suivez le guide, vous propose une nouvelle série américaine, l'Ouest américain, mais pas la Californie, ni l'Arizona ou le Nouveau-Mexique. Il s'agit du centre-ouest des États-Unis, en anglais, the Midwest. Le Canada est proche, nous sommes dans le Dakota, non pas le Dakota du Nord qui connaît une nouvelle ruée vers l'or noir et le gaz de schiste, mais le Dakota du Sud, au 46e rang des États de l'oncle Sam pour sa démographie, et au 17e rang avec 200 000 km² pour sa superficie. Deux fuseaux horaires pour cet état du Midwest, intérêt géographique, les Black Hills, collines noires ou encore le parc national des Badlands. La ville la plus peuplée, Sioux Falls, mais notre base pour cette série d'émissions, c'est Rapid City. Après le Mont Rushmore, les quatre présidents dans le granit, objet de l'émission précédente, et toujours avec Don Lefebvre, chef d'entreprise francophone et francophile, nous allons continuer notre route jusqu'au Crazy Horse Memorial, autre impressionnante sculpture à quelques minutes seulement du Mont Rushmore. Puis nous poursuivrons jusqu'au Custer National Park et ses 1500 bisons, avant de terminer notre découverte par la cathédrale de Rapid City. Pat Dobbs nous attend tout de suite au Crazy Horse Memorial. Pat Dobbs, coordonnateur des relations presse ici à Crazy Horse. Where are we driving to? Où, vers où nous roulons-nous? Vous venez de voir le film d'introduction et nous quittons à présent le centre pour les visiteurs sur la route que prend l'équipe de montagne et on va vers l'exploitation de la montagne qui est à peu près à un mile d'ici. From here we can already see Crazy Horse. Alors d'ici on peut déjà voir le visage sculpté de Crazy Horse. And the route and the area that you're seeing now is a combination of. L'espace que vous voyez là, c'est une combinaison de terres forestières. Le terrain du mémorial de Crazy Horse fait 1000 hectares. Et c'est la ferme d'arbres certifiés la plus large du Dakota du Sud. Elle a ouvert en 1961 et ce sont des terres privées, bien qu'elles soient entourées de forêts nationales qui font partie de Black Hills National Forest. Certaines des terres que vous voyez font partie de l'ancien équipement que Korczak a utilisé quand il a débuté l'exploitation parce qu'il n'était pas très riche et utilisait de l'équipement de différents gouvernements ou issus d'entreprises locales. La route que nous suivons est parsemée de rochers brisés par le travail de la roche. Et c'est la route principale qui est utilisée par les hommes qui travaillent dans la montagne. Les touristes se déplacent en bus là. Hein. We also have guided bus tours. So the bus that oui, on a aussi des bus touristiques. Bus and the people who have looked at the movie will get on the bus. Et les gens qui auront vu le film vont dans le bus et s'approchent de la montagne autant que possible. Dans ce cas, ils sont conduits à la base de la mine et d'ailleurs nous y allons. So we are lucky. Alors jusqu'à présent, nous ne les avons pas vus, mais il y a aussi des élevages de bœufs et ils font partie du troupeau de la famille qui a été conservé. Et historiquement, ils faisaient partie de la propriété que Korczak achetée en 1946. Ça s'appelait Homestead Ranch. Quand les premiers colons arrivèrent dans les Black Hills dans les années 70, pour chercher de l'or, ils avaient constitué des troupeaux d'élevage. Et quand Korczak et Ruth se sont mariés, ils avaient aussi une laiterie appelée Still Hollow. Et cela les a aidés à gagner de l'argent pour la famille, pour le projet, et cela a nourri leurs 10 enfants. Donc il y a toujours eu du bétail ici. Et maintenant, ça fait partie du site d'exploitation de la roche, dirigé par un de ses fils, Mark, et qui est aussi le garde forestier. Et il est en charge de l'abattage des arbres. Pour ce qui est des bâtiments que vous voyez là, Korzak et Ruth n'ont pas vécu dans ces bâtiments. Elles faisaient partie de l'installation de la famille Isler en 1876. Et c'est une des plus vieilles bâtisses qui existent au sein des Black Hills. Est-ce que les tribus ont aidé à obtenir des terres ou est-ce que les Zlotkovski ont dû tout faire? Les acquisitions de la propriété ont été gérées par Korzak et Ruth de façon très personnelle à travers de leur fondation et à but non lucratif. Le terrain d'origine ne faisait pas tout à fait 160 hectares, ce qui était plutôt normal pour un ranch dans l'ouest et le sud du Dakota. Ce qui était ajouté plus tard provient d'un échange de terres avec l'État fédéral. Et ce qui s'est passé, c'est que la fondation du Crazy Horse, qui n'avait pas un but lucratif, acheta des terres ailleurs dans les Black Hills, qui touchaient ce qui est maintenant le parc national des Wenkai. Et ils ont fait un marché avec le gouvernement pour essayer de donner des terres voisines. Blasting signals, hein, c'est voilà le signal. S'il y a des explosions, no blasting today. No blasting today. Ouais. No blasting today. S'il y avait eu des explosions prévues, on ne serait pas sur cette route aujourd'hui. Mais ce qu'on a traversé un instant, c'est un checkpoint pour le public. Et quand il y a une explosion, ils descendent la barrière. Il y a 5 hommes avec des perceuses, des bulldozers et des explosifs. Et quand il y a une explosion, un homme reste sur la montagne. Les autres sont envoyés à des points spécifiques sur la montagne pour être sûr que personne n'est accidentellement en train de se promener. Mais ce qui peut arriver ici, c'est qu'il y a des terres nationales juste là à côté. Et c'est tout à fait possible pour quelqu'un qui serait à cheval ou en rando de venir par ici à un mauvais moment. Nous avons beaucoup de chance que ce ne soit pas encore produit et de ne jamais avoir eu d'accident. All together is 1,000 acres. Oui, 1000 hectares. Donc là, nous sommes maintenant sur le côté de la montagne qui est le plus éloigné du musée. Les terres fédérales étaient juste le long du portail que nous avons passé. Alors que nous approchons des montagnes, vous pouvez voir des espaces que le public ne peut pas voir, car il est dans le centre. On va s'arrêter un petit peu ici. La montagne qui est maintenant exploitée n'était pas un premier choix. Quand Henry et Korzak sont arrivés dans les Black Hills dans les années 46 pour trouver une montagne qui pourrait être exploitée, ils en cherchaient une qui pourrait être achetée, qui avait assez de rochers à creuser. Et le premier choix est plus loin, et il faut de l'imagination pour le voir, mais Korzak faisait toujours référence à cette montagne en l'appelant Armchair Mountain. Pour lui, elle ressemblait à un fauteuil dans lequel vous pourriez vous asseoir chez vous. Lui et Henry, qui n'étaient pas un jeune homme, ils allaient vers leurs 60 ans, ils grimpa en haut de cette montagne et découvrit une crevasse naturelle au dos, donc ils ne pouvaient pas la creuser. Il voyait cette montagne ici, et il faut imaginer qu'à ce moment, c'était un dôme large. Beaucoup de gens à l'époque l'appelaient la tête d'éléphant. Korzak, alors il a dit à Henry Standing Bear, Henry, peu importe la montagne que je creuse, ça me prendra le restant de mes jours, je vais creuser celle-ci. Et quand ils sont rentrés au Connecticut pour commencer à rassembler ses affaires et préparer le déménagement, il lui restait du marbre qu'il avait exploité au Connecticut pour la communauté là-bas. C'était un morceau qui était originellement sur l'épaule de la statue de Noah Webster. Et vu la forme de cette montagne, Korczak a décidé que ce serait un guerrier sur son cheval, ce qui allait également avec l'histoire que le chef Henry Standing Bear nous avait racontée à propos de Crazy Horse. Il a orienté vers la terre de ses ancêtres, la forme de la montagne. Cette histoire de Crazy Horse et de l'art, tout ça a finalement donné ce que vous voyez maintenant. La route sur laquelle nous sommes mène à un parking et nous pourrons marcher sur le bras là-bas. Nous avons une moyenne sur les dernières années de plus d'un million de visiteurs par an. Et actuellement, on est entre 1,2 et 1,5 million de visiteurs, principalement à cause des voyages organisés qui traversent la région. Et ceux qui vont voir Crazy Horse, eh bien, ils vont aussi aller voir le Mont Rushmore, qui était longtemps la plus grosse attraction des Black Hills. Alors, on va porter un casque, hein. Le port du casque est obligatoire. Thank you. The very large carved face behind us is the largest. La grande partie creusée derrière nous, eh bien, c'est le plus grand portrait sculpté dans la roche au monde. Si vous allez au Mont Rushmore, ces visages atteignent en moyenne 6 pieds de haut et celui-ci en a presque 19, donc il est un tiers plus haut. Le travail a commencé en 1987, après la mort de Korczak en 1982. Ils avaient beaucoup de choses à faire avant d'y arriver, mais ils ont réussi à mener ce projet à bien et ont dédicacé le portrait en 1988. Depuis, ce qu'ils ont fait entre-temps, c'est sculpter le cheval et le torse du cavalier. Le cheval fera 290 pieds de haut. En fait, c'est l'équivalent d'un immeuble de 22 étages. Alors, les ingénieurs estiment que quand vous regardez un rocher de près de 100 000 tonnes, c'est comme environ la taille d'un bateau de croisière sur l'océan. Le bras sur lequel nous sommes est de la longueur d'un terrain de foot. Ou, pour ceux qui aiment voler, c'est la longueur d'un jet Boeing. On n'a pas les ailes sur le côté, mais la longueur de la cabine est proche de celle de ce bras. Mathieu, Julia, how many people work here? Sur la montagne, on a 5 hommes qui tiennent les perceuses, les explosifs et les bulldozers. Le chef d'équipe, c'est Kazimir, un fils de Korczak et Ruth. Et Monique Jokowski, qui travaillait beaucoup avec son père, a participé à la création du visage qui fait liaison entre l'équipe en montagne et sa mère. Alors concrètement, si on les compte tous, on a 9 personnes sur le secteur montagne. Sur l'année, en tenant compte du mémorial, des visiteurs et tout ça, on a presque 65 personnes. Et l'été, on a probablement entre 220 et 270 employés parce qu'on a tellement de visiteurs. Et leur responsabilité, c'est surtout l'accueil des visiteurs. Afraid of freedom as freedom cries. A man waits in a cage. A man calls to justice, but justice lies. Centuries cruel by predator mind. Lord and Satan, generals of war. People sacrificed in tears and blood. stonemasons busy building walls. Instant faces. Suivez le guide au Crazy Horse Memorial que nous découvrons avec Pat Dobbs dans le Dakota du Sud. Les dimensions finales seront de 195 mètres de long, 172 de haut, la tête de Crazy Horse 27 mètres de haut. Petite controverse, Crazy Horse pointe du doigt vers l'horizon, mais pointé du doigt est, paraît-il, un geste impoli dans la culture amérindienne, où l'on pointe plutôt avec le menton ou les lèvres. Far from lips of cold and ice. Lives pull through the needle. And if the work goes on, this is because of the visitors. Hein? Si le chantier avance, ce sont les visiteurs qui le financent. That's correct. It, compared to other parks that you will visit, including Mount Rushmore, Crazy Horse. On peut comparer avec d'autres parcs, y compris le Mont Rushmore. Eh bien, Crazy Horse a un financement privé. Il est basé autant sur les entrées que sur les dons, et cela finance le travail sur la montagne. Les dons aident aussi pour pouvoir payer des bourses d'études pour les Indiens et financent aussi l'université indienne d'Amérique du Nord. Just gotten started. It's in its third year at this point. Qui vient juste de démarrer. Alors, on est seulement à sa troisième année, et c'est un programme d'été. Mais c'est ce que Korczak croyait que c'était le plus gros apport de Crazy Horse. But if you want to help, even you can give dynamite. Si on veut aider, on peut même faire don de. It's quite amazing. Faire don de dynamite. We have worldwide. On a une aide internationale sur les explosifs. Sector of the economy and worldwide followers, and yes, they provide explosives. On a des donateurs du monde entier qui nous fournissent du matériel explosif, de l'assistance technique, de l'équipement, que ce soit des bulldozers ou des perceuses. Il y a de nombreux moyens pour nous aider. L'utilisation de la dynamite, c'est très courant. It's very often. They use various explosives. In the early days, it was dynamite. Oui. On utilise toute une variété d'explosifs en fait. Dans les premiers temps, on utilisait effectivement de la dynamite, mais maintenant, plutôt d'autres types d'explosifs, de la très haute technologie. Concrètement, à d'autres domaines où les vibrations seraient sans importance, puisque nous sommes dans un travail artistique, nous, il est important de savoir quelles vibrations résultent des explosions, de la taille des explosifs, les angles des perceuses, la science et la généalogie qui sont impliqués dans ce travail. And the mathematics that go into the artwork's already completed. All they're doing is following Korczak's artwork. Now because of the computer. La partie artistique est déjà faite. Tout ce qu'ils font, c'est continuer en fait le projet de Korczak. Mais maintenant, avec l'informatique, on peut scanner l'œuvre, on peut scanner la montagne. Les experts peuvent dire, c'est là qu'il faut aller, c'est comme ça que la montagne va réagir, on peut faire des changements en fonction du type de roche, vous suivez juste les instructions. So, who was, because he died, il est décédé, we remember the TV series, it was Korczak, but his name is Korczak. That's right. C'est pas tout à fait pareil. Yes, Korczak Ziolkowski, and he died unexpectedly. Oui, Korczak Ziolkowski. Il est mort de façon inattendue en octobre 82. Il avait 74 ans. Et depuis, sa femme Ruth est présidente et chef exécutif du mémorial, et elle est en charge de tout ici, sur la montagne et en dehors. Et bien qu'elle n'ait jamais conduit un bulldozer, ni tenu une perceuse, elle est au courant de tout ce qui se passe, de qui fait quoi, comment et à quelle vitesse. Je n'exagère pas, elle vient de célébrer son 86e anniversaire. Et sa journée type, c'est de 6h du matin jusqu'après minuit, 7 jours sur 7. At 86 years old. And Ruth has said repeatedly that it's not work. Et Ruth n'a cessé de répéter que ce n'est pas du tout du travail si vous aimez ce que vous faites, et c'est ce qu'elle fait du matin au soir. If tomorrow all the things were gone I'd worked for all my life, and I had to start again with just my children and my wife, I'd thank my lucky stars. to be living here today, where the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the man who died, who gave that right to me. And I'll gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. It's like La Sagrada Familia in Barcelona, you know, the church, l'église, La Sagrada Familia à Barcelone. It still goes on to build it, but we don't know exactly when it will be finished. Is it like this? That is an excellent example, because Korchak and Ruth and other members of the family frequently. Oui, c'est un excellent exemple. Ruth et les membres de la famille montrent souvent ces magnifiques projets architecturaux qu'il y a en Europe. Ils nous rappellent que les cathédrales, les pyramides, tous ces projets anciens qui se sont poursuivis sur des siècles entiers. Alors les gens posent souvent cette question: quand est-ce que vous aurez fini? Ça dépend du climat. L'hiver vous tient éloigné de la montagne, et l'été il faut se protéger des éclairs. On est 65 pieds au-dessus du niveau de l'eau, c'est très haut ici. Alors il y a quelques années, un éclair a touché un bâtiment. À l'époque, il était en bois et brûlait jusqu'au sol. Alors maintenant, avec les nouvelles technologies, on a remplacé, on a mis du béton. Maintenant, on a des technologies qui nous préviennent à temps pour les orages, dans un rayon de 20 miles. So if I ask you the date, the time, the day, the year to be back for the grand opening, it's you can't give me. Non, je ne pourrais pas. Mais je peux vous dire ce que Korczak disait souvent. Jeudi, alors, pourquoi jeudi? Parce que je veux un week-end de trois jours. Do all of Korczak's kids work here, or just some of them? They had 10 children, and three of the Il avait 10 enfants. Trois sont partis pour faire d'autres choses. La plus jeune, elle est artiste, et quelques-unes de ses œuvres sont disponibles d'ailleurs dans la boutique Souvenir ici. Le fils aîné, il est dans l'équipement, le travail industriel. Il a pris sa retraite récemment et il est revenu dans les Black Hills. Les autres plus jeunes, ils ont eu 5 garçons et 5 filles. Le plus jeune des 5 garçons est pasteur dans une église. Et quelques-uns ont travaillé ici. L'année dernière, on a souffert du décès de l'un d'eux. Alors 6 des 10 enfants sont encore actifs ici, sur la montagne. The choice of a Crazy Horse. Why Crazy Horse? Le choix de Crazy Horse. Hein? Mm-hmm. Toshunkawit Cult, Crazy Horse was absolutely legendary, not only Crazy Horse, en fait, c'est absolument une légende. Alors, non seulement dans le Dakota, mais pour beaucoup d'Indiens, à cause de plusieurs choses. From a very young age, he was a mystical person. Depuis son plus jeune âge, Crazy Horse était très mystique. Il allait prier, il cherchait des visions, et il retournait vers les autres pour leur parler de ce qu'il avait appris, et il traduisait cela pour lui. Il était très humble, hein. Tout ce qu'il faisait, c'était pour l'intérêt de la tribu. Très courageux. Alors, par cette générosité, ce courage, ses valeurs, il était aussi assez charismatique. Il pouvait partir pour des jours, pour revenir au camp, et juste à la vue, les gens se réjouissaient. Les gens veulent aussi que dans les batailles, il comptait parmi les meneurs célèbres. comme Rosebud et la bataille de Little Big Horn. Et il a atteint la célébrité pour ça. En fait, ce sont de rares endroits où les armées indiennes ont battu la cavalerie américaine. Et il n'a jamais signé un traité de paix, ne s'est jamais rendu, il n'a jamais négocié. Toutes ces choses-là faisaient partie de son histoire. Et dans les années 30, un cousin maternel, ils ont vu le développement du mont Rushmore. Ils ont vu que dans le monde, les nazis prenaient le pouvoir. Et Henry et d'autres membres du Dakota Elders se sentaient très concernés par le fait que les relations n'allaient pas si bien avec l'État fédéral. Ils observaient ce qui se passait. Ils avaient peur que les Amérindiens se perdent dans une nouvelle embrouille encore. Ils ont vu ce qui s'est passé à Rushmore et ont voulu que les gens sachent que les peaux-rouges étaient de bonnes personnes. Qui avaient aussi des héros. Ils se sont installés à Crazy Horse, en partie pour des raisons familiales, et étant liés d'ailleurs à Henry Standenbeer. En compagnie de Don Lefebvre et de Pat Dobbs, nous découvrons le Crazy Horse Memorial, l'œuvre monumentale de Korchak Ziolkowski, non encore achevée, proche du Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud. How far are we from Mount Rushmore? On est à combien de kilomètres du Mont Rushmore? We're about 17 miles away. 17 miles, ce qui fait à peu près 25 kilomètres à peu près du Mont Rushmore. Donc ce sont deux mémorials proches, mais sur deux sites différents. Pourrait-on imaginer aujourd'hui, peut-être pas lorsqu'on a commencé la construction du Mont Rushmore, mais aujourd'hui, donc un seul mémorial rassemblant donc des personnalités de l'histoire des États-Unis et des Native Americans. And the two monuments, and we have a man living. Ouais, in les deux monuments. Superintendent of On a un homme vivant par ici. C'est l'ancien superintendant du Mont Rushmore, qui est maintenant à la retraite. Et Gerard Baker, il s'appelle. The stories of Tashunkawiko and the Lakota and why the Black Hills are significant. Sa tribu a grandi ici et c'est pourquoi les Black Hills sont pleines de sens pour lui. Pour Dakota et d'autres peuples, les Black Hills, c'est une région sacrée, le centre de l'univers. C'est ici que l'univers a commencé. Eh bien, Gerard Baker était souvent orateur à Crazy Horse. Et il a dit, les deux montagnes racontent de grandes histoires. Si vous regardez les quatre présidents, ils étaient tous des hommes importants dans l'histoire et dans le développement de ce pays. Chacun d'eux représente une valeur à laquelle il est associé. Mais cette montagne toute seule ne raconte pas toute l'histoire. C'est pour ça que Crazy Horse est tellement important. Ça sert de contrebalance. Et ça aide à compléter l'histoire. Elles sont distinctes, mais chacune a besoin de l'autre. How could we describe Crazy Horse Face? Comment décrire le visage de Crazy Horse? Donc, on est juste au pied du visage de Crazy Horse. Donc, ici, on a une vue extraordinaire sur toutes ces montagnes, ces collines, ces Black Hills. Mais comment décrire le visage? This is one of those pieces and how it was done and very deliberately set up and in the artwork. C'est un des morceaux et voilà comment il a été fait, très contrôlé. L'œuvre d'art qu'a fait Korczak et ses conversations avec sa famille. Alors, ce que vous remarquez en marchant plus en avant sur le bras, c'est que les yeux sont construits de telle manière qu'ils semblent vous regarder, comme des peintures que vous verriez ailleurs et qui vous donnent l'impression que les yeux vous suivent. La Joconde, comme la Joconde, hein. And here, what they did in the completion of the iris, very similar to how the eyes are done at Mount Rushmore, and that the center of the iris is a pillar of stone. They have worked around it. And to complete the iris, which is very similar to the center of the iris, the center of the eye, the iris. And depending upon the time of the day, the light of the hour, and depending upon the face of Crazy Horse, the light, the face of Crazy Horse changes. On dirait qu'il a des humeurs. Vous verrez que le visage est penché dans un sens Et ça, c'est une tentative de Korczak d'imiter une attitude humaine qui fait qu'on a tendance, en regardant loin, de regarder notre doigt au lieu de l'endroit qu'on désigne. Alors là, il regarde en bas de son bras gauche et de ce qui serait son doigt gauche, donc il regarde vers la terre d'origine, là où son père est enterré. Également, il ne sourit pas. C'est quelqu'un qui dépend, en fait. Selon comment vous le regardez, l'heure qu'il est, il peut être fâché ou pas. Are Native Americans part important of visitors to Crazy Horse Memorial? Est-ce que les natifs américains représentent une bonne partie des visiteurs du Crazy Horse Memorial? Hugely important to us. This is done by a non-profit foundation. Oui, c'est très important pour nous. C'est une fondation à but non lucratif qui est basée sur une fondation privée pour que les Amérindiens honorent et soutiennent leur héritage historique, aussi bien que leur patrimoine culturel vivant. Ces gens qui ne sont pas des pièces de musée, ces gens, malgré tout le cinéma d'Hollywood, leur réalité dépasse de loin ce qu'on voit uniquement dans les médias. C'est pour eux. Vous les rencontrerez plus tard. Mais il y a beaucoup d'artistes amérindiens présents maintenant pour le marché d'été qui ne sont pas seulement originaires de la Dakota, mais des gens de Californie, de Texas, de l'Arizona, qui font partie d'autres peuples. Tout ça aide les visiteurs. Et si vous voulez savoir quelque chose de leur culture, vous pouvez avoir une conversation personnelle. C'est comme ça que l'éducation se fait, sans que quelqu'un ait besoin de faire une conférence. But they are visitors too. Yes, they are, and we see them every day all year. Ouais, on les voit toute l'année. On a plusieurs personnes venues ici pour tenir des cérémonies religieuses sur la montagne. Nous avons eu également des personnes qui ont perdu un proche et ils ont fait une crémation et sont venus répondre les cendres ici. Le vent aussi. Au-dessus de la grille, vous verrez les couleurs rouge, jaune, blanc et noir et les couleurs des quatre cardinaux qui représentent aussi les quatre peuples. C'est une commémoration. Ça n'est pas dit une fois pour toutes. On a aussi eu des mirages ici. Suivez le guide, Thierry Georges. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Don, nous avons quitté Crazy Horse. Oui. Rien à voir avec le cabaret parisien, hein, Crazy Horse. Oui, je sais que ça existe. Encore une autre ambiance. Et nous avons traversé une petite ville qui pour nous fait ville Far West ou ville de l'Ouest. Oui, oui. C'est une petite ville de 1800 habitants. C'est écrit à l'entrée. C'est Custer. C'est une ville vieille pour nous, presque 130 ans. C'est très vieille pour nous. Qui porte le nom du général Custer? Oui. Oui. C'est en hommage à Custer qu'on oui, lui a donné le nom. Oui, à cet homme. Mais maintenant, c'est seulement le nom de ville. Parce qu'on ne pense aujourd'hui que Custer est héros. On pense qu'il a fait des choses bêtes. C'est un personnage intéressant? Intéressant, très intéressant. trop fier. Et à cause de cela, il a fait les choses bêtes. Et il est mort à cause de cela. Alors, nous étions à Crazy Horse. Quelques minutes plus tard, nous arrivons à Custer. Donc, ils sont réunis ici. Custer et Crazy Horse sont réunis dans le Dakota du Sud. Mais si on cherche Little Big Horn, le lieu de la bataille, ce n'est pas dans le Dakota du Sud. Oui, c'est en montagne. Au Montana. Oui. C'est loin d'ici? Peut-être 60 kilomètres. Non, 700 kilomètres. Ah oui, c'est quand même plus loin. Ouais. 700 kilomètres. Et il y a également Custer State Park. Oui. Et nous y sommes. C'est très silencieux. Alors, on entend les motos, peut-être un peu les voitures. Nous sommes en fait entourés de bisons. Mais oui. Bon, ils sont plutôt discrets. Hein. Oui. Et je pense que... le parc Custer est un peu comme un petit Yellowstone, avec les bisons comme Yellowstone et beaucoup des autres animaux. Donc Yellowstone, c'est aussi 700 km. Alors là, il y a un bison qui traverse la route maintenant, parce qu'il y en a des deux côtés, et il y en a un qui traverse la route. Quand on conduit un camping-car, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir un bison qui traverse devant soi, je suppose. Mais ici, dans cette région et dans ce parc en particulier, souvent des animaux traversent. Hein. Ah oui, oui. Et de temps en temps, les voitures hit. Ah, donc heurtent. Les animaux et les cerfs. Deer. Et les cerfs. Yeah. Et les cerfs, souvent. Et nous en avons vu plusieurs morts. Ah oui. Depuis ce matin, les deux. Deux qui sont écrasés sur le bas-côté. Oui. Mm-hmm. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, surtout la nuit. Oui, à la nuit, c'est nécessaire de faire beaucoup d'attention. Alors si on heurte un bison, on fait quoi? Un cerf, bon, le cerf est écrasé, donc il perd la vie, mais la voiture est endommagée aussi. Oui, il y a peut-être 3 semaines quand un ami et moi sont dans la voiture et... et la voiture écrasée. Oui, la voiture l'a écrasée. Et après cela, la voiture ne va pas. Ah non. Mais alors, ça c'est si c'est un cerf. Mais alors, si c'est un bison, c'est encore... Oh. Là, il n'y a plus de voiture. Plus grand animal. Comme le grand bison là, peut-être... Derrière, là, il y en a un grand là. Ouais. Peut-être 1000 kilos. Ouais. Oui. 1000 kilos. Peut-être. Mais la tête est énorme. Hein? Oh, énorme, oui. Il est le roi. Oui, donc il y en a 1400 dans ce Custer State Park. Oui. Alors, on en a, nous, autour de nous, on en a combien, là? Oh, peut-être bien peut-être une centaine. Hein? Oui. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. En France, on dit dans le cochon tout est bon. Ici, on pourrait dire dans le bison tout est bon. Oui, oui, c'est vrai. Ici, c'est là où le roi des bisons, le grand bison là, c'est là où la dernière photo des survivants de la bataille de Little Bighorn. Donc, où la dernière photo, la photo des derniers survivants de la bataille de Little Bighorn a été prise ici? Où le grand bison reste. Si on dit dans le bison tout est bon, on le mange le bison? Ah oui, et la viande bison est bon et c'est... C'est meilleur? Meilleur pour la santé que les vaches. Mm-hmm. Pas de cholestérol c'est comme la plus bonne viande des vaches. Bon, on ne les entend pas, les bisons. Il faudrait s'approcher peut-être pour enregistrer le cri du bison. On pouvait également, et tout à l'heure, quand on était au Mont Rushmore, un ranger nous a expliqué tout ce qu'on peut faire avec le bison. Et on peut faire de la corde, on peut... Vessile. La vessie, oui. Utilisée. Alors, avec la corne, pour faire... Oui. Cuillère, bol, et avec la peau, pour faire des toiles de tente, les Indiens l'utilisaient, il fallait 12-13 bisons pour faire une tente. Ouais. Oui. Donc c'est dire combien le bison était précieux il y a plus d'un siècle. Oui, hein. C'est Le bison est la vie des Indiens. Est-ce que le bison est un animal qui fait rêver les Américains? Oh, un peu, ouais, oui, un peu. C'est une chose de le Far West. Ils sont presque tués, presque oui. extincts. Je pense que peut-être 50 000. Mais plutôt par ici, dans cette région? Enfin, on en... Peut-être 2000. Oui. Et dans le parc, comme tu as dit... 1400. Oui. Tiens, et hop, il retraverse. Il y en a un autre qui traverse devant la voiture. Et les bisons traversent quand ils aiment traverser. Quand ils ont envie, ouais. Et sont-ils futés? Ce n'est pas nécessaire d'être smart quand tu es grand. Non, parce qu'en France, il y avait un programme de circulation pour la circulation automobile... Pour choisir les bonnes routes. Ah oui, nous avons cela dans les grandes villes. Et le nom était Bison Futé. Smart Bison. Dit-on bison aux États-Unis en bison, bison. Ou sinon buffalo. Buffalo, presque tout le temps buffalo, mais ce n'est pas un vrai buffalo comme water buffalo, buffalo de l'eau. Et c'est correctement de dire bison, mais on dit buffalo. Il se rapproche là. On n'a pas le droit de descendre de la voiture. It's forbidden to get off the car. It's not very wise. C'est pas malin. Country boy ain't got no shoes. Country boy ain't got no blues. Well, you work all day while you want to play in the sun and the sand with a face that's tan. But at the end of the day when your work is done, you ain't got nothing but fun. Country boy ain't got no. Suivez le guide dans le Dakota du Sud suite de cette deuxième émission avec Don Lefebvre, chef d'entreprise francophone et francophile. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him on a hook and then you drop him in the brook. And if everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight. Country boy, you're lucky free. Country boy, I wish you and you was me. Suivez le guide, Thierry Georges. Don, nous avons roulé hein, depuis les bisons. Oui. On s'est arrêté et vos amis sont venus nous rendre visite maintenant. Savez-vous la jeune de les uns avec la croix sur le dos? Il y a une croix sur le dos, des cheveux plus noirs. On dit que la croix dans le dos est à cause de... Jesus riding on the donkey, and now they have a cross on their back. Ah, d'accord, d'accord. On dit cela. Oui, alors la croix, on la voit bien, ils ont une croix sur le dos, et on dit que c'est à cause de Jésus qu'ils ont cette croix sur le dos. Oui. Donc ce sont des ânes. Oui. Des ânes dans le parc. Qui sont, ils sont en liberté aussi, bien sûr. Hein? Oui. On dit un peu sauvage, mais on peut voir qu'avec le pain, ils ne sont pas sauvages. Il y en a beaucoup des ânes ici dans le parc? Peut-être 40. Ah oui. Tant qu'on leur donne du pain, ils le mangent. Ils peuvent manger beaucoup. Non, pas le bras, pas le bras. On ne mange pas le bras. Hein. He'll be fine on the mountain. Nous changeons encore d'ambiance, Don, après le Mont Rushmore, après Crazy Horse Memorial... Après le State Park hein, oui. de Custer. Cette fois-ci, nous sommes juste devant la cathédrale de Rapid City. Oui. On va terminer cette première partie, cette partie de la visite de Rapid City avec la cathédrale. Cathédrale qui fête en 2012 son, alors non pas son 500e anniversaire. En France, on pourrait imaginer les cathédrales qui existent depuis 500 ans, voire plus. Mais la cathédrale, oui. on enlève un zéro, elle fête son 50e anniversaire. Oui, oui. C'est une jeune quinquagénaire, une jeune oui. cathédrale. Oui, même ici les églises qui a 100 ans sont vieilles. Comment s'appelle-t-elle? Quel est son nom, le nom de la cathédrale? Quel nom En français, je pense que c'était Notre-Dame de l'aide perpétuelle. Notre-Dame de l'aide perpétuelle. Oui, ouais. Our Lady of Perpetual Help. Mm-hmm. Ce qu'il faut préciser, Don, c'est que vous êtes chrétien, mais vous êtes catholique. Oui. Les catholiques sont nombreux ici dans le Dakota du Sud. Peut-être 25%. 25%? Oui, près de cela. Ce qui fait en nombre de personnes, ça pourrait faire... Peut-être 35 000, peut-être 40 000 personnes. Alors, votre nom est français, oui. Mais les Français sont liés, la France, les Français sont liés à l'histoire de l'Église catholique ici dans le Dakota du Sud. Ah oui, le premier prêtre ici s'appelle Père Pierre de Smet. Alors lui était belge, hein? Oui. Il y a beaucoup de Québécois, les hommes de montagne qui viennent ici pour faire les échanges avec les Amérindiens. Et les Québécois s'appellent coureurs du bois. Et à cause de cela, il y a beaucoup de personnes amérindiennes ici avec les noms français. Avec des noms de famille français. Oui, ouais. Bordeaux, beaucoup de noms français. Et un peu de... c'est vrai, le catholisme... Catholicisme. Oui, mm-hmm. Oui. Last night, a divine inspiration from the other side. But what it's gonna take to right all this wrong? We need a country music Jesus. Ça veut dire aussi que certains Amérindiens Native Americans sont catholiques. Oui, beaucoup. Je ne sais pas le pourcent, mais beaucoup. Ils viennent ici à la cathédrale, par exemple, ah, ceux oui. qui sont dans la région. Mais il y a aussi paroisse ici qui s'appelle Saint Isaac Jogues, fait comme par les jésuites, et c'est paroisse plus amérindienne que les autres, mais. C'est maintenant aussi une paroisse normale. Quelles sont les personnalités qui ont marqué l'histoire de la religion catholique ici à Rapid City et dans la région? Deux évêques dans le passé. Il est maintenant archevêque de Philadelphie hein, qui s'appelle Charles Chaput, nom français aussi. Mm-hmm. Et il est une partie amérindienne aussi. Et il est premier évêque amérindien. Je pense premier ou deuxième, et mm-hmm. c'est tout. Et il a gagné le respect de tout le monde. Après d'être ici, il est allé à Denver, archevêque de Denver, et maintenant archevêque de Philadelphie. Mm-hmm. Et aussi, il y a une sainte qui s'appelle Catherine Drexel. Et sa père est a very wealthy man, beaucoup d'argent, puissant, ah, riche et voilà. riche. Qui a fondé une banque qui s'appelle maintenant Drexel Burnham Lambert. Il a un homme qui travaille pour lui qui était appelé J.P. Morgan. Et il a gagné beaucoup d'argent et sa fille Catherine. Quand il est mort, elle a gagné beaucoup elle de l'argent. Hérité, oui. Et elle a construit beaucoup des églises et maintenant elle est sainte. Catherine Drexel. Mm-hmm. Mais oui. Elle est devenue elle-même... Elle était sœur, hein? Oui, sœur, oui. Mm-hmm. Sœur et je pense qu'elle est morte en 1955, peut-être comme cela, et maintenant ça. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own. Il faut dire ici, Don, que l'Église catholique ici dans le Dakota du Sud se porte bien. Ce n'est pas le cas partout dans le monde, mais l'Église ici va bien. Il y a même des prêtres. Hein? Ah oui, oui. Nous avons peut-être 50 prêtres pour seulement 35 000 catholiques. Donc si on fait la moyenne, ça fait un prêtre pour... Peut-être 800. Pour 800 mm-hmm. Oui. Pour 800 fidèles. Oui. Il y a un prêtre ici, polonais, qui m'a dit qu'il y a plus prêtres ici qu'en Pologne. Qu'en Pologne, qui oui. est pourtant un pays avec de nombreux prêtres. Oui. Et donc il y a un microclimat. Micro quoi? Microclimat, microclimate. Oui, dans l'église. Les choses ici vont et nous avons beaucoup de jeunes prêtres. C'est bon. L'église ici a beaucoup de santé. Mm-hmm. Quelle est votre paroisse? Blessed Sacrament. Saint Sacrament. C'est une petite paroisse? Non, peut-être 1500 personnes. Ah oui, donc ce n'est pas une petite paroisse. Et quelle est la vie de la paroisse, enfin de la communauté catholique Blessed Sacrament. Blessed Sacrament. Nous avons maintenant à la maison des prêtres, peut-être trois prêtres. Il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas si c'est différent que les autres paroisses. Des choses, quel genre de choses alors? Les cours pour les jeunes, messe en espagnol. Il y a chaque semaine pendant l'hiver et pendant l'année de l'école, chaque mercredi, il y a un dîner pour toute la paroisse et les personnes viennent. Peut-être 700 personnes pour dîner. 700 chaque personnes chaque mercredi. Entre 300 mm-hmm. et... Ça veut dire un paroissien sur quatre, voire même un paroissien sur deux, vient au dîner. Ah oui, nous avons des retraites et des choses comme cela. Mm-hmm. Quelle importance a la paroisse dans votre vie? La plus grande importance, je vais à la messe presque chaque jour. Autre paroisse, mais près de mon travail, mais presque chaque jour. Je vais à la Sainte Messe et c'est la plus importante chose dans ma vie. Il faudra un jour que vous veniez à la messe à messe. Ah oui. Oui. In English, it doesn't work. If we translate, it's not possible. Ah. It's supposed to be funny. Oh, okay. Fin de ce deuxième Suivez le Guide à Rapid City, dans le South Dakota. Un grand merci à notre guide Don Lefebvre. Thank you Pat Dobbs du Crazy Horse Memorial. Grand merci aussi à Olivier qui travaille pour Duxin Communication et Hervé Duxin pour l'organisation du séjour à Rapid City, ainsi que Vicky Engelhaupt et Maureen Droz de South Dakota Department of Tourism. Les propos de Pat Dobbs sont traduits par Valérie Thackeray avec la voix de Roman Feocchio. Un site conseillé, travelsd.com, sans oublier crazyhorsememorial.org. Une suggestion hôtelière, Cambria Suite. Réalisation Roman Feocchio. And faded light. Cette émission est dédiée à la mémoire de Pat Dobbs, notre guide au Crazy Horse Memorial, dont nous avons appris le décès en 2016. Rest in peace, Pat. Shadows fall and the darkness of night descends.